femme qui m'aime comme moi. Un jour je serai un roi. À chaque instant suffit sa peine, une vie pas facile, noire de haine, vêtue de noir. Ça me donne le cafard. Meilleur.